À l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de l'ASEAN, le ministre coréen des Affaires étrangères Lee Yong-ho a envoyé le 7 août des messages de félicitations au ministre indonésien des Affaires étrangères, au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du gouvernement vietnamien, au ministre laotien des Affaires étrangères, au ministre d'État et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge, au ministre birman des Affaires étrangères, au ministre thaïlandais des Affaires étrangères, au ministre malaisien des Affaires étrangères, au ministre singapourien des Affaires étrangères, au ministre philippin des Affaires étrangères et au secrétaire général de l'ASEAN.